vivre avec ses fantômes, victime du bitume, grand amour envolé, pleurer loin de nos mômes. Et cette boule au ventre qui dégonfle rarement, ces nuits si difficiles où Morphée est absent, des volutes toxiques comme écran à nos peines, un brouillard dans l'âme, pauvre trait utopique. Si l'art le plus grand est de rester vivant, nous sommes tous artistes, souvent à nos dépens. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là, je te prête mes épaules pour alléger ta croix. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là. Travail alimentaire et talent refoulé, frustration quotidienne, basculer en arrière, chercher seul les outils pour construire son destin, son foutu caractère comme meilleur ennemi. Dilemmes incessants, sirènes multiformes, cette mauvaise conscience d'un fils de l'Occident, trompé et humilié par celle qu'on aime tant, une armure sur le cœur si dure à déposer. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là, je te prête mes épaules pour alléger ta croix. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là, je te prête mes épaules pour alléger ta croix. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là, je te prête mes épaules pour alléger ta croix. Ne t'inquiète pas, car moi je suis là. Être fier du reflet dans la glace, celui de mon ami qui fait de toi un frère.